Chapitre 138. L'interdiction de saluer les non-musulmans en premier et la manière de leur rendre le salut et la recommandation de saluer un groupe où se trouvent musulmans et mécréants. 866. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Ne saluez pas les juifs et les chrétiens en premier, et lorsque vous croisez l'un d'eux sur la route, forcez-les à passer sur les côtés. » Muslim. 867. D'après Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Lorsque les gens du livre, juifs et chrétiens, vous saluent, répondez en disant « Et de même pour vous. » Wa alaykum. » Al-Bukhari et Muslim. 868. D'après Usama, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, passa un jour à proximité d'un groupe comprenant à la fois des musulmans et des polythéistes, païens et juifs, et les salua. Al-Bukhari et Muslim.